Groix. Écrit par Philippe Dagorne, lu par Armen pour audiocité.net. L'île semble sauvage. S'émouvoir tôt le matin des drisses qui caquettent sous le ciel de satin d'une aube qui s'entête. Les mille bruits du port, les mouettes qui s'éveillent, la lune qui s'endort et délaisse sa veille. Le clapot sans vigueur qui titille la cale, sous l'œil un peu gouailleur d'un goéland royal. Sans ligne le rivage se soustrait au regard, l'île semble sauvage dans son discret brouillard. Un soir. L'horizon n'est que braise, et les vagues coiffées d'un couchant couleur fraise s'entremêlent assoiffées. Leur haleine un peu aigre fait du gringue aux oiseaux, ces goélands allègres tous au cul des bateaux. Le jour devient regret et se désintéresse de ce soir un peu frais qu'à la lune il délaisse. J'entends le carillon des gréements agacés pleurant ce vermillon par la nuit effacée. Sur le port, les troquets de leurs pâles falots maquillent le vieux quai qui n'est plus que halo. Mais Groix déjà sommeille et le thon girouette, c'est déjà le soleil parti aux oubliettes. Le clocher de l'église du bourg de Groix n'a pas de coq en guise de girouette, mais un thon. Groix fut avant-guerre le premier port français de pêche au thon. Les fées y sont chez elles. Elle est une caresse, ou peut-être un baiser, un élan de tendresse, fidèle et apaisé. La plus douce des brises au souffle parfumé, aussi tiède qu'exquise sur Groix la bien nommée. Les fées y sont chez elles, une terre tranquille, aussi sage que belle, merveilleuse et fragile. Et si le paradis ressemblait à cela, alors je vous le dis, je crois en l'au-delà. L'été sans caractère. L'été sans caractère s'abrutit de silence, et la petite terre de moite somnolence. D'insipides journées qui habillent le temps, les nuances fanées d'un soleil trop distant. Même la mer est molle, sans entrain, sans envie, une étrange pétole fixée sur un lavis. Les chemins sont béants, les landes minaudières courent à l'océan leurs tapis de bruyère. Les vallons sont inertes et les ruisseaux s'égarent, les saisies découvertes s'enfuient dans le brouillard. D'un sable qui s'en fout. Le glas de morne plage décompte les chagrins que quelques pieux nuages éructent par gros grains. Les lumières écornées pissent sur ce tableau leurs couleurs surannées et leurs voiles falots. Même les simples barques semblent tourner le dos aux rubicons monarques qui sombrent dans les flots. Et tout me semble flou, du chant des cascatelles aux fragiles dentelles d'un sable qui s'en fout. Les aurores esselées. Les aurores esselées d'un été trop craintif s'offrent aux assauts salés de nues qui s'ébouriffent. Les brumes éthérées paraissent sur l'estran, donnant aux toits lustrés ce bleu si pénétrant. Sous ce ciel dégradé flotte sur l'Ocmaria profond suave et iodé un parfum de ria. Accouchée de la nuit, des pluies grasses et brutales n'osent pas, puis s'enfuit l'océan à l'étal. Pour ne sait quelle fête. Pour ne sait quelle fête, là-haut le soleil brille, grande boule à facettes de tous ses feux scintillent. L'or infini le sable exhibe ses délices, les éclats immuables d'un mica s'y complissent. La mer n'est pas en reste pour offrir à nos yeux, sous les tentures d'ouest, ses plus beaux camaïeux. Voluptés édéniques, simplement exprimées, là naît l'émoi unique des plaisirs sublimés. La harpe du vieux Thor. La harpe du vieux Thor découpe tristement le couchant privé d'or d'un brumeux firmament. Le courroux de ce dieu semble figer le temps qui fut pourtant radieux bien après le printemps. L'océan se languit, les vents ne viendront plus, crépuscule alangui où Éole est reclus. Il se dit en ce soir que la nuit n'ose pas prendre ses habits noirs en crainte d'un trépas. La nuit est venue me saluer. Poche chargée d'un doux parfum de bois humide, la nuit est venue me saluer. Me voici arrivée, je vais pouvoir me reposer, me dit-elle. Puis elle a ajouté, tout le jour sur des chevaux d'écume, j'ai couru l'océan. Je lui ai dit, pourquoi si folle chevauchée? Elle m'a simplement répondu, pour recouvrir ton nid, le crépuscule passé, afin qu'elle ne prenne froid. C'est vrai que l'air avait fraîchi. Déjà le phare des chats caressait le ciel de son feu rutilant. À l'autre bout de l'île, le veilleur de Penmen ne lui fut pas en reste. « Tu vois, » a-t-elle enfin conclu, « tous les phares du monde associent leurs éclats pour réchauffer encore et encore ma cape sertie d'étoiles. Tout là-bas, tutoyant l'horizon, rassuré, un navire passa. » Il s'épuise d'ennui. Il s'épuise d'ennui ce ciel sans horizon qui espère en la nuit pour quitter sa prison. C'est un ciel barbouillé qui étouffe ses pleurs, un infini brouillé de brises sans chaleur. Oui, c'est un ciel trop las qui ne peut s'exprimer sur l'onde sans éclat des aurores embrumées. Des voiliers somnolents glissent comme aspirés par le voile accablant de bruines énivrées. Il imprègne le port où l'air et l'eau se mêlent, myriades de spores suspendues, perpétuelles. La mer là-bas. C'est un refrain, un chant marin qui fit danser tous mes vieux rêves. Plus tard, la nuit se dévêtit. Quand l'aube vint, elle était nue. J'en admirais ces funambules se balancer sur de l'écume, juste la lune au bout des yeux et puis l'aurore pour les guider. Là-bas, la mer faisait son chaud, des sauts de pluie pour la calmer, un vent inquiet pour la baiser, mais rien n'y fit, elle s'en alla. Resta l'estran, ses barques tristes, des goélands comme enivrés, un fin crachin pour les pleurer. Le jour enfin s'y invita. Juste entre deux nuages. Par un tiède dimanche, d'une vague la crête me fit la feuille blanche, lumineuse et proprette. Une plume donnée par un fier guillemot, et je pus m'adonner au balai de mes mots. Je fus encouragé par mille goélands et je le rédigeai au bleu de l'océan. J'ai glissé le message, poétique et discret, juste entre deux nuages, mais c'est là mon secret. L'aurore entrebâillée. L'aurore entrebâillée laisse fuiter ses plaintes qui partent balayer des voluptés non feintes. Ses troubles vocalises aussi chaudes qu'émues sont toujours sous l'emprise d'un ciel inquiet qui mue. Un étrange dancing où l'orchestre céleste vient dispenser son swing à des brumes bien lestes. Rythmé par le ressac, c'est l'harmonie des vents et son jazz est savant, imprévu, élégiaque. Le ponant écarlate. Quand les brises du soir s'engroisillonnent d'or, des mouettes viennent boire à l'ombre du vieux fort. Quelle huit sans sommeil, révélant sa chapelle, les adieux du soleil la rendent irréelle. La pointe de Penmen revêt sa cape ambrée, voluptueuse, amène, la mer semble nacrée. La nuit est économe et s'approche sans hâte, ces groix qui charment en somme un ponant écarlate. La lune est bien frileuse. La lune est bien frileuse en ces soirs de septembre, timide et nébuleuse dans son écharpe d'ambre. Les nuits ont oublié la dame de passage qui glisse maquillée dans ses voiles trop sages. L'océan, lui, rechigne à offrir ses reflets, susceptibles et indignes dans son orroi fluet. Qui pourrait s'étonner que la belle en pâtisse et puisse abandonner un ciel sans artifice? La mer s'est retirée. En ces heures un peu fourbes, le sable se dénude dans la grise moiteur d'une aube qui s'essouffle. Il hisse dans le ciel du silence invité le voile endimanché d'une brume timide. Les voiliers sur le ventre s'abandonnent lascifs à l'haleine salée de leurs troublants fantasmes. La mer s'est retirée, l'horizon s'est enfui. Cette marine offerte ne parle plus qu'aux rêves. Un ciel mou et ridé. La nuit, pas décidée face au soleil médiocre, ce ciel mou et ridé qui se barbouille d'ocre. L'océan s'est fâché, un fort suroît l'insulte, et ce couchant gâché augure du tumulte. Les bateaux plient l'échine, aspirés par le port, gémissent leurs machines dans cet ultime effort. Mais l'île bien ancrée, impavide et boudeuse, s'étale bigarrée, résolument taiseuse.